Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Gilles Carle, l'amour du Québec et des femmes. Gilles, c'est un homme à femme dans son métier. C'est un cinéaste de femmes. Il a toujours écrit les plus beaux rôles au cinéma québécois. Je crois que c'est Gilles qui les a écrits pour les femmes. Chloé Sainte-Marie à l'émission Double Expresso en 1991. Chloé Sainte-Marie qui a été l'une des femmes de Gilles Carle au grand écran comme dans la vie. Les femmes et la sexualité occupent en effet une place centrale dans le cinéma de Gilles Carle, qui sera aussi le témoin intéressé de la marche du Québec vers la modernité. On l'écoute parler de la place des femmes et de la sexualité dans son cinéma à l'émission Noir sur Blanc en 1981. Je suis un pornographe très petit, vous savez. La sexualité existe dans la vie et je veux, quand je fais un film comme La tête de Normand Saint-Onge, qu'il y ait un contenu sexuel qui soit l'équivalent du contenu sexuel d'une personne normale dans la vie, sinon on ne rencontre pas cette personne-là. Alors dans un film, on voit un personnage qui est une jeune femme qui a un amant, on les voit pendant 2 heures et on les verrait jamais dans leur geste sexuel. Mais pourquoi? Cinéma, j'enrage, je fais du dégât. Y'a pas de bon sens, maudit film-là. Voilà que le bon, c'est scélérat. Cinéma. À l'époque, par exemple, je savais pas qu'il se faisait des films ici. Mais même si je savais pas cela, je faisais quand même des scénarios et des scénarios de longs métrages. C'est assez bizarre, mais j'avais, disons, depuis l'âge de 15 ou 16 ans, fréquenté beaucoup le petit théâtre de Rouen où j'habitais. Je voyais tous les Rintintins, tous les Mickey Mouse, enfin tous les films d'aventure, les films de cow-boy et puis ça. Et le cinéma est une chose qui me fascinait énormément. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce métier-là. Et comme je ne pouvais pas comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de moi qui faisait du cinéma, j'ai commencé à écrire des scénarios. Comment as-tu été mené, par exemple, à réaliser Dimanche d'Amérique, qui est ton premier film? J'avais déjà soumis à l'Office national du film un petit scénario qui s'appelait « Tout l'art du monde », qui a été réalisé par un réalisateur français, qui avait été accepté et tout, qui était une assez mauvaise expérience, mais ça m'avait quand même rapproché des caméras. Et puis comme j'étais assez vantard, et je me vantais constamment, je disais toujours à tout le monde, j'ai des scénarios, j'ai des idées, pourquoi vous venez pas me voir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, finalement, on est venu me voir. L'Office national du film du Canada. Sur la chanson de François Guy, « Cinéma, cinéma », la chanson du court-métrage « 50 ans » que va réaliser Gilles Carle en 89 pour souligner les 50 ans de l'ONF. Vous entendiez Gilles Carle, justement, répondre aux questions d'André Paquet à l'émission « Cinéma d'ici » diffusée en 1970. Pour nous parler de la brillante carrière de Gilles Carle, je reçois Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télé, auteur de l'ouvrage « Entretien avec Gilles Carle, le chemin secret du cinéma ». Michel Coulombe, bonjour. Bonjour, et je précise que la musique était de François Guy, mais les paroles de Gilles Carle. De Gilles Carle. Bon, commençons par ce livre d'entretien que vous avez réalisé avec lui. Vous l'avez donc rencontré à de nombreuses reprises en 1995 par là, Gilles Carle. Autour de ça, 94-95, c'est donc au moment où se déclarait sa maladie. Ouais. Et c'est en fait un cinéaste que j'admirais et que je ne connaissais pas. Ouais. Et donc, c'est un prétexte formidable de dire, ben voilà, il faudrait qu'on fasse un livre si on se rencontrait. Et puis, ben ça a été extrêmement agréable et très productif. Et quel homme avez-vous rencontré? On va parler de son cinéma pendant tout le reste de l'émission, mais je veux quand même d'abord vous entendre parler de cet homme que vous avez rencontré. Quel genre d'homme était Gilles Carle? Un homme ouvert, un homme curieux, un penseur libre, quelqu'un qui avait des théories sur absolument tout. et qui pouvait en changer. Alors, il partait dans une direction, dans une autre. Il cherchait des explications à tous les phénomènes qu'il pouvait observer et qui avait un regard extrêmement généreux sur le monde, à mon avis. Curieux de tout, curieux de tout. Ouais. Cet homme-là, on le voit où, comment? Il se manifeste comment dans son cinéma? Bien, dans son cinéma, on voit un cinéaste, en fait, qui ne veut pas être mis dans une boîte. Il disait, par exemple, « Je ne fais pas des films à sujet, des films à problème. » S'il parlait de la sexualité, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, ce n'était pas comme « Valérie et l'initiation », qui étaient des films à caractère érotique qui tournaient autour de ça. Lui, c'était des films où il y avait des femmes, bien sûr, parce que les femmes étaient au cœur de son œuvre, où la sexualité était présente, parce que pour lui, c'était naturel. Et puis, c'était l'époque, fin des années 60, début des années 70. C'est beaucoup plus simple dans la société, effectivement, de montrer la sexualité, mais il n'en faisait pas un sujet. Ouais. Ça, c'est l'homme que j'ai rencontré, qui disait, bon, oui, il y a des choses drôles chez moi, mais je ne fais pas des comédies, mais il ne fait pas des thrillers, il ne faisait pas des drames. Il y avait de tout. C'est des films sur la vie? Des films sur la vie, sur ce qui l'inspirait, ouais. Sur, par exemple, Le Retour à la Terre, qui l'avait intéressé, ça a donné Les Mâles et puis La Vraie Nature de Bernadette. Mais il prenait l'envers des choses, il se méfiait beaucoup des clichés. Ouais. Donc, il avait ça. Ce regard extrêmement ouvert sur le monde. On avait tendance à dire dans le milieu du cinéma qu'il racontait mieux les films dans la vie qu'il ne les faisait. Ouais. Pas que les films étaient si mauvais, surtout pas, mais effectivement, c'était un conteur, ouais. Quelqu'un qui aimait intéresser les autres, qui avait observé toutes sortes de choses et qui voulait le partager avec les gens autour de lui. Je dois dire que ça lui a plutôt réussi. Ouais. Comment il en vient, par ailleurs, à s'intéresser? On entendait au tout début cet extrait où il dit « Oui, j'allais à Rouen voir des films, je savais pas trop ce que c'était, mais ça m'intéressait de manière un peu diffuse. » Mais il n'y a pas un parcours typique, là, Gilles Carle. Comment il finit par faire du cinéma? Et moi, je me méfierais de ce qu'il raconte. Je crois que Gilles Carle a réinventé sa vie de très nombreuses fois. Il était né en 1929. Ah ben non, en 1928, il avait fait telle chose. Peut-être pas. Ouais. Il aimait ça. Hein. Il y avait un côté chez lui assez fantasque. Donc, méfiez-vous un peu. Mais il a fait quand même les Beaux-Arts. Il devait être graphiste. Il l'a été à Radio-Canada à partir de 1955. Il a écrit des textes pour différentes revues. Vu sous quatre pseudonymes. Ouais. Il a fondé l'Hexagone avec Gaston Miron. Il a fait toutes ces choses-là. Puis un jour, mais c'était ça, hein, le 1960, la Révolution tranquille, entrer dans un métier nouveau était quelque chose de relativement facile. Les gens n'avaient pas d'expérience et pas de formation. Donc, il s'est pointé à l'ONF, où il était d'abord recherchiste et puis scénariste, avec Raymond Le Boursier, qu'il évoquait tout à l'heure, ce cinéaste français. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, il a proposé ses services parce qu'on lui disait, vous serez scénariste. Il dit non, je suis réalisateur, scénariste. Et c'est comme ça qu'il a fait partie de ce courant du cinéma direct, dont il s'est rapidement moqué, parce qu'il a fait « Se lance dans nos campagnes », un court-métrage donc, qu'il a fait à l'ONF avec Louise Marlowe, Patricia Nolin, où c'est une équipe de télévision qui va voir la campagnarde parfaite, parce qu'elle a participé à un concours, puis en fait, bon, qui serait orpheline aussi, hein. Elle n'est pas du tout orpheline, elle vit dans une maison énorme, c'est pas du tout une petite campagnarde, c'est une fille qui veut faire du cinéma. Donc, derrière le cinéma direct qui vous dit « Voilà, je vais vous montrer la vérité », il y a parfois un mensonge. Il jouait donc sur cette idée même du cinéma à l'époque. Ouais. Et arrive en 1965 son premier long métrage, La vie heureuse de Léopold Zeb. Un matin, j'ai coupé son coiffeur. C'est de la cruauté mentale. Ben, si je coupais le coiffeur à Catherine, elle me couperait la boisson pour un an. Léopold Zeb, d'abord, c'est un documentaire sur la neige. Et moi, la neige et tous les objets inanimés dont parle Lamartine, vraiment, ça ne m'intéressait plus. Alors, je me suis dit, un documentaire sur la neige, ce n'est pas intéressant. J'ai demandé à Jacques Bobet, est-ce qu'il n'est pas possible de tricher un tout petit peu et de faire un documentaire avec des Montréalais, quitte à les mettre dans la neige après? Il dit, oui, c'est très intéressant, on va faire ça, on va essayer. Alors, je tourne, effectivement, avec Guy Lécuyer et Paul Hébert, des scènes qui duraient en tout 45 minutes avec le budget que j'avais pour mon documentaire de 30 minutes. Et ces scènes-là, en les mettant bout à bout, je ne faisais pas un film du tout, je n'avais tourné que les intérieurs. Alors, il me restait la neige, donc il me restait l'extérieur. Alors, le fils a regardé le film, a dit « c'est intéressant ». Et Jacques Bobet, je crois, l'a trouvé intéressant. Il a dit « maintenant, on va aller décrocher un autre budget, puis on va tourner ce qui manque dans le film ». Alors, on a eu finalement le budget, puis je suis allé tourner. Ça a pris 2 ans. Les petites scènes qui manquaient ici et là. Et ça a finalement abouti à un long-métrage qui s'appelle Léopold Zeb. Comment, c'est à toi de résister. Tu peux pas succomber chaque fois que ta femme a envie d'être robe neuve. Elle serait habillée pour l'année. Extrait du film La vie heureuse de Léopold Z. Vous entendiez Gilles Carle parler de la genèse de ce film, La vie heureuse de Léopold Z, à l'émission Cinéma d'ici, diffusée en 1970. C'est un film, c'est son premier long-métrage, Michel Coulombe. C'est un film qui est important pour lui. Parlez-moi de l'importance du film, mais peut-être aussi, avec ce qu'on vient d'entendre, de ce que ça nous dit sur le bonhomme, sur la manière qu'a Gilles Carle de voir la vie et de faire du cinéma. Il voulait faire de la fiction. Ouais. On ne voulait pas qu'il en fasse. Donc, ben, il s'est avancé, il s'est compromis. Et puis, bon, il y a eu un problème, il faut dire, hein, il n'y a pas eu de neige du tout cet hiver-là. Donc, ça se produit parfois. Et donc, il y a eu une journée de neige et il l'a comme ça saupoudré littéralement un peu partout dans le film parce que c'était quand même une histoire de déneigement. Et puis après, on voit l'esprit de Gilles Carle, c'est-à-dire que sur des images d'hiver, il met des musiques des mers du Sud. Donc, il joue sur le contraste. Et puis, il récupère tout ce qu'il trouve parce que ce Léopold Z, s'il s'appelle comme ça, c'est parce que ce qu'on trouvait comme nom le plus fréquemment sur les camions à Montréal, c'était Léopold Z Tremblay, parce qu'il y avait M. Tremblay, comme ça, qui avait de nombreux camions. Ouais. Donc, il se disait, quel que soit le camion que je vais filmer, ben, ce sera toujours le camion de Léopold Z, donc ce sera plus facile. M. Tremblay n'a pas vraiment apprécié, parce qu'il disait, non, j'ai pas fait ça à ma femme, j'ai pas fait ça à mon fils. Quand même, il a écrit un livre par la suite pour, contester la vision qu'aurait donnée de lui Gilles Carle, mais bien sûr, c'était pas son histoire. Mais c'est ce qui lance vraiment sa carrière. Il va d'ailleurs, parce que c'est de la fiction, c'est la fiction qui l'intéresse, vous le disiez, il va quitter l'ONF tout de suite après ce premier long-métrage. Oui, il propose un film sur la police montée. Alors, il dit, c'est pas vraiment pour moi. Alors, il est parti chez Onyx Film. Et qu'est-ce qu'il devient dans les années qui suivent son départ de l'ONF? En fait, bon, il fait toutes sortes de choses. Il écrit, par exemple, une série, Les enquêtes de Jobidon. Il est un des nombreux auteurs de cette série qui était présentée à la télévision de Radio-Canada. Il va faire de la publicité. C'est le maître de la publicité au Québec à cette période-là. Des publicités mythiques avec Olivier Guimond. Lui, il connaît ça pour la bière Labatte, par exemple. C'est du Gilles Carle, donc il va faire de la conception et de la réalisation publicitaire. Et il va se servir de cet argent-là et des gens qui l'entourent pour commencer à tourner à nouveau du long-métrage de fiction. Donc, il va faire de la même façon qu'il le fait La vie heureuse de Léopold Z un peu en douce. Il va faire Le viol d'une jeune fille douce à l'insu de son producteur, c'est-à-dire en tournant les fins de semaine, le soir, à temps perdu avec son équipe. Et puis mettant au final l'équipe de production devant le fait accompli, on avait un film. Il y aura donc le viol d'une jeune fille douce en 68, Red en 69, Les Mâles en 70. Et en 72, l'autre grand coup dans ce début de carrière, La vraie nature de Bernadette, qui lance d'une part la carrière de Micheline Langteau, mais qui est aussi le début de cette longue relation, la vraie nature de Bernadette, qu'aura Gilles Carle avec le Festival de Cannes. Oui, en fait, c'est le grand cinéaste québécois du Festival de Cannes dans les années 70-80. C'est un abonné, oui. L'abonné le plus régulier, parce que d'autres cinéastes sont allés, par exemple Denis Arcand, Jean-Claude Labrecque, Jean-Pierre Lefebvre, mais lui, vraiment, il avait un abonnement, une reconnaissance, quinzaine, sélection officielle, ouverture. Donc, il était très, très présent, reconnu. Ses films, de façon systématique, sortaient en France. Donc, il y avait un véritable intérêt pour son travail de ce côté-là. Il faut dire que la fin des années 60, début des années 70, c'est aussi le joual. Ouais. Donc, il était un des porteurs de cette langue-là. Il y avait un grand intérêt pour cette différence culturelle, différence linguistique exprimée par le Québec. Donc, il en était effectivement un des porte-flambeaux. On s'y intéressait beaucoup. Et puis, il venait avec une certaine verdeur. C'est sûr que de débarquer avec, par exemple, Willy Lamothe au Festival de Cannes, c'est se faire remarquer. Ouais. Moi, j'imagine toujours Willy Lamothe à la même table que Catherine Deneuve. Puis, je me dis, voilà deux cultures qui disent des choses très différentes. Il y avait ça chez lui. Et puis, La vraie nature de Bernadette, c'est sa façon à lui de parler des thèmes de l'époque. Il y a le retour à la terre et c'est présenté de façon assez traditionnelle. C'est un mouvement, tout ça. Non. On prend une femme, on l'installe effectivement dans un autre mode de vie, en confrontation avec ce milieu-là. Et puis après, il sert aussi de ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire des apparitions, des miracles. La religion est une obsession chez lui. Ça revient tout le temps. Il y a des prêtres, des miracles. Il y en aura encore dans Pudding Chômeur. Donc, il y a ce miracle d'une sainte Bernadette, hein, le nom n'est pas innocent, d'une sainte Bernadette à la fin. Alors, vous voyez, il joue sur ses idées reçues et en créant des personnages qui sont très forts. Là, déjà, sans que ce soit une des femmes de sa vie, Micheline Langteau, il y a un personnage de femme extrêmement solide. Et ça, ce sera, on l'entendait dès le début de l'émission, Chloé Sainte-Marie le disait, mais c'est un cinéaste de femme à femme. Enfin, la femme sera présente, les femmes seront présentes dans tout son parcours. L'une de celles qui va arriver très vite, en 73, puis le film va aussi se retrouver à Cannes, La mort d'un bûcheron, c'est Carole Laure. Ce sera la compagne de Gilles Carle, ce sera une figure importante dans son cinéma. Quelle importance ils auront l'un l'autre dans la vie et dans la carrière de l'autre? Je pense qu'on peut dire clairement que c'est une muse et il y aura vraiment un renouveau chez Carle. Bon, c'était un homme marié qui avait des enfants et il vivra avec Carole Laure une forme de vie un peu urbaine et bohème, donc quelque chose d'assez différent. Leurs univers vont effectivement se connecter l'un l'autre et il va faire des films pour elle. Elle est au centre de tous les films, même quand leur relation sera terminée, parce que Maria Chapdelaine, par exemple, à la toute fin de leur collaboration, ben, ils ne sont plus ensemble, elle est avec Lewis Ferré, mais c'est pour elle qui fait ça toujours, et il lui fait des rôles donc, oui, où son corps est extrêmement présent. Mm-hmm. Il joue sur la nudité de Carole Laure, c'est quelque chose qui revient d'un film à l'autre. L'ange et la femme, bien sûr, qui est un film tout à fait tourné vers ça, mais déjà, bien sûr, dans La mort d'un bûcheron, mais aussi des personnages complexes. Ouais. La femme est souvent l'objet d'une exploitation. Il y a ça dans les films qu'ils vont faire ensemble. This could have been the song you wanted from me all along. It makes no difference now. I lost you somehow. I can't forget. La chanson-titre du film Fantastica, une chanson de Lewis Ferré. Vous parliez de la vie bohème qu'il aura, Gilles Carle, avec Carole Laure. On a comme un exemple de ça, musique de Lewis Ferré, interprétée par Carole Laure dans un film de Gilles Carle. C'est un peu une période de transition. Ménage à trois, mais c'est effectivement une image qui résume bien l'homme libre qu'il était. Bien sûr, il y avait cette femme dans sa vie et puis il y a eu cette transition. Il y a dans ce film Fantastica des clips absolument merveilleux, vraiment bien tourné et tout. Pas assez d'argent pour faire le film qu'ils avaient en tête. Hein. C'est un film qui demandait davantage de moyens. Et il y avait dans ce film-là la préoccupation écologique qui était présente chez lui, qu'on voit dans quelques-uns de ses films. Au-delà de Carole Laure, dont on a parlé, on a évoqué un peu Chloé Sainte-Marie au tout début de l'émission, mais les femmes dans son cinéma, comment, que dire de la place qu'occupent les femmes dans son cinéma et dans sa vie? On pourrait, et là on emprunterait à François Truffaut, dire l'homme qui aimait les femmes, et ça résumerait bien son rapport aux femmes. Oui, des rôles de premier plan, des rôles qui ne sont pas que des clichés. Il y a de tout, parce que les femmes, c'est aussi, par exemple, chez les ploufs, du côté des ploufs, un personnage de mère extrêmement fort, défendu par Juliette Huot, le personnage de Denise Filiatro, qui est formidable, celui de Rita Toulouse. Bon, il avait une relation à ce moment-là avec Anne Letourneau, qui est un personnage qui fait rêver. Il y a ça chez les femmes, mais il y a aussi, effectivement, des aspects plus sombres, parce que cette exploitation, parce que le rapport parfois difficile avec la société, la folie qu'il exploite dans La tête de Normande Saint-Onge, un des plus beaux films qu'il ait fait avec Carole Laure, c'est une grande réussite. Donc, il y a tout ça chez lui, cette volonté englobante et d'aller vers quelque chose d'audacieux, de dépasser finalement les cadres traditionnels, et c'est toujours bien fait. Vous voulez chanter de l'opéra, vous? Vous faites rire de vous? Vous vous comportez à monsieur avec les dames? Vous aimez mieux les champions? Vous cherchez une meilleure situation dans un bureau. Vous manquez de compétences, tu sais. Il n'y a pas de place nulle part pour les hobbits ploufs du monde entier. Les ploufs qui donnera un film, une télésérie. Vous dites, Michel Coulombe, que Les ploufs, c'est un des cinq meilleurs films québécois de tous les temps. indiscutablement. Pourquoi? Ben, d'une part, vous venez d'entendre une scène d'anthologie. Gabriel Arcan est extraordinaire, mais c'est brillamment écrit. Pour Gilles Carle, c'est du renouveau, parce qu'on passe du côté des adaptations. Jusque-là, c'était des scénarios originaux. Et puis, il adapte les Plouffes. Ensuite, le crime de vie de Plouffe, Maria Chapdelaine. Mais donc, c'est nouveau. Il y a là de l'ambition. On faisait partout dans le monde des films populaires, qui racontait l'histoire toute simple de famille en Irlande, en Norvège, en Suède, en Italie. Et on trouvait ça normal de raconter cette vie-là, ouais, et de penser que cette vie-là pouvait avoir une portée universelle. On ne le faisait pas ici. On faisait effectivement des chroniques contemporaines avec des moyens plus réduits. Et il a eu de l'ambition. Pour avoir de l'ambition, c'était compliqué parce que, d'une part, il fallait prendre presque tout le budget qu'il y avait pour le cinéma à l'époque. Il y a des cinéastes qui ont moins apprécié. Ça demandait 5 millions de dollars. D'autre part, il a fallu trouver une formule. La formule, ça a été de coupler un film et une série télé, donc pour financer la chose. Et puis, on raconte effectivement une période oubliée du Québec à ce moment-là, celle de la fin des années 30, début des années 40, avec ce legs de la religion auquel on avait tourné le dos, il faut bien le dire, à ce passé. Et là, ça revit sous nos yeux. C'était une œuvre populaire, les Ploufs, parce que roman, radio-roman, télé-roman, et là, passage au cinéma extrêmement réussi. Ouais. Mais une distribution d'enfer. Ces acteurs sont formidables, les scènes sont fortes, et ils nous parlent de nous, de là d'où on vient. Oui. 1980, les Ploufs, ça va se poursuivre, évidemment. 80, les années 80-90, d'autres fictions, Maria Chapdelaine, on l'a évoqué, d'autres films, quelques documentaires importants aussi. La maladie, ce diagnostic de la maladie de Parkinson qui arrive en 94, cette lente, les auditeurs, beaucoup vont s'en souvenir, cette lente descente aux enfers pour lui. Chloé Sainte-Marie qui sera là avec lui aussi pendant toutes ces années. Avec, au bout du compte, quel héritage de la part de Gilles Carle pour le cinéma québécois, Michel Coulon? Bien, d'une part, il faut dire que c'est un de ses cinéastes, et ils ne sont pas si nombreux, à avoir créé le cinéma québécois à son grand tournant, c'est-à-dire celui de la Révolution tranquille, quand à l'ONF, une nouvelle génération de créateurs s'est installée. Il y a tout inventé pour nous, bien sûr, passant du documentaire à la fiction. Il est emblématique de ce mouvement-là. Ouais. D'autre part, il a effectivement une œuvre abondante sur plus d'une décennie, donc qui a saisi l'histoire du Québec. Il racontait des histoires qui se passaient ici, qui parlaient des gens, des ouvriers. Il ne s'intéressait pas aux classes dirigeantes. Hein. C'était vraiment du côté des gens tout simples, qui voulait tourner sa caméra. Donc, il y a tout ça chez lui. Et il y a de la verdeur, il y a de l'intelligence, il y a de la liberté. Il y a des films qui vont rester. Il y a des documentaires qui sont marquants. Parce que quand on lui a fermé la porte de la fiction, ça a été plus difficile à la fin des années 80, au début des années 90, il s'est dit, bon, ça va. Mm-hmm. Alors, il a fait un film sur les échecs, qui est absolument formidable. Un sur Picasso, un sur la ville de Québec, un sur Montréal. Toujours en prenant des sentiers inattendus. Ouais. C'est pas les choses officielles qui l'intéressaient, mais toutes ces petites portes qu'on peut entrouvrir qui vous permettent, par exemple, d'explorer une chose assez curieuse, Le Diable. Il a fait un film donc, qui s'intitule Le Diable en Amérique. Donc, vous voyez, ça, c'est l'esprit de Gilles Carle. Michel Coulombe, merci de nous en avoir si bien parlé. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à la radio et à la télé, auteur du livre « Entretien avec Gilles Carle, le chemin secret du cinéma ». Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.